Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 12. Histoire de la robotique. La biologie synthétique. Puisque, comme on l'a vu, la cybernétique, et bien sûr, l'informatique, a définitivement permis la séparation entre le substrat physique et la fonction réalisée. On ne peut pas ne pas étendre la notion de robot à toutes les manières imaginables de le réaliser, en particulier à la matière vivante. On revient ainsi curieusement à l'origine mythologique du concept, le golem. Plus directement, si un robot est une machine adaptable, voire auto-adaptable, créée pour être utilisée, alors tout ce qui est de constitution biochimique et que nous adaptons, programmons, transformons pour notre usage relève de la notion de robot. Quand il s'agit du vivant, on lit souvent le mot instrumentalisé. D'une certaine manière, les animaux de trait, les chiens de garde, chats de compagnie ou débarrasseurs de rongeurs sont instrumentalisés. Mais plus encore, les animaux, ou les plantes, transformées, voire un jour créées, pour notre usage s'approchent de la catégorie des robots biologiques. Depuis des millénaires, l'homme a artificiellement sélectionné des espèces végétales ou animales en fonction des qualités qu'il souhaitait privilégier, produisant ainsi plusieurs espèces qui n'ont plus grand rapport avec les espèces sauvages initiales, comme certains chiens de compagnie de très petite taille, comme le blé que nous cultivons, ou encore comme nos vaches laitières, qui n'existent pas à l'état sauvage. Fin de cette 12e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.